Nyangi. Dimanche 16 juin, bienvenue à l'écoute de cette édition. Voici les grands titres. Le 16 juin de chaque année, c'est la célébration de la journée dédiée à l'enfant africain en souvenir des élèves étudiants sud-africains tués en 1976 alors qu'ils réclamaient une éducation de qualité. Ce 16 juin également, les musulmans burundais se joignent à ceux du monde pour célébrer la fête de sacrifice du mouton. Dans cette édition, on se rend au nord et au centre du pays. Dans cette édition, on revient également sur le 9e Conseil des ministres qui converge sur l'augmentation du prêt bourse, la redynamisation des hommes universitaires. Vous l'entendrez dans cette édition, mise en onde par Albert Ndouayo. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Ce 16 juin, c'est la journée de l'enfant africain. Cette journée rappelle la journée mondiale de l'enfant africain est célébrée chaque année en souvenir du 16 juin 1976 où des milliers d'élèves et étudiants sud-africains qui ont manifesté à Soweto pour exiger une éducation de qualité dans leur langue. Le thème retenu pour cette année 2024 est éduquer une Afrique digne du 21e siècle, construire des systèmes éducatifs résilients pour un accès accru en apprentissage inclusif tout au long de la vie de qualité et pertinent en Afrique et au Burundi. La Commission nationale indépendante des droits de l'homme encourage le gouvernement burundais à apporter des solutions urgentes à certains défis qui persistent pour la pleine jouissance des droits de l'enfant, plus précisément son bien-être et sa protection sociale. Dans une déclaration sortie ce samedi, Dr Sixte Vigny Nimuraba, à la tête de cette commission, a exhorté le gouvernement à accroître le budget alloué à l'éducation de qualité. Parlons encore éducation. Le budget alloué aux prêts bourses pour les étudiants de l'Université du Burundi doit être augmenté selon le 9e Conseil des ministres tenu mercredi de cette semaine. Dans un extrait du compte rendu, Jérôme Niyonzima, secrétaire général du gouvernement, a annoncé une mise en place d'une commission chargée de la redynamisation du secteur de l'éducation, la construction et l'exploitation des hommes universitaires ainsi que les internats. Ceci est dû à l'accroissement chaque année du nombre d'étudiants. On l'écoute. Avec l'accroissement incessant des effectifs des étudiants, l'Université du Burundi a été progressivement amenée à réduire ses intentions en ce qui concerne l'accomplissement de ses missions. Au vu des moyens financiers lui accordés, l'Université du Burundi n'est plus en mesure de réhabiliter ses infrastructures, de s'offrir des équipements socio-académiques de qualité et d'assurer le service d'hébergement et de restauration pour les étudiants. Cela a eu comme conséquence la suppression totale des restaurants universitaires, dont différents campus, et l'instauration du système de pré-bourse. La note propose des pistes de redynamisation des services sociaux ainsi que des scénarios de rentabilisation du patrimoine de l'Université du Burundi, avec notamment l'implication du secteur privé. Et après analyse, le Conseil des ministres a constaté que l'État a le devoir de s'impliquer dans l'éducation car c'est l'avenir du pays. Il a recommandé de mettre en place une commission qui va proposer une stratégie de redynamisation du secteur de l'éducation avec la participation du secteur privé dans la construction et l'exploitation des internats et des hommes universitaires. Il a également été recommandé d'intégrer l'augmentation du prêt bourse dans le budget 2024-2025. Le même Conseil des ministres a analysé les notes relatives à la prospection et à l'exploitation des minerais tels le nickel, l'or et le lithium en vue d'augmenter la production à exporter. Et il a été décidé que les opérateurs miniers soient encouragés. On l'écoute encore une fois. Plusieurs notes ont été présentées dans le but de recevoir une orientation du Conseil des ministres afin d'accroître la production dans le secteur minier au Burundi. Ainsi, un programme complet de recherche en vue d'établir l'existence des gisements exploitables du nickel, du lithium, de l'or, du fer et d'autres minerais associés doit être exécuté conformément au code minier en vigueur au Burundi. Des sociétés spécialisées dans le secteur minier sont autorisées à entrer en compétition pour décrocher le permis de recherche d'abord et d'exploitation ensuite. La recherche et l'exploitation d'un minerai identifié ne concernera qu'un périmètre clairement délimité avec précision. À l'issue de l'analyse de toutes ces notes, le Conseil des ministres a formulé entre autres recommandations. Premièrement, le permis de recherche et celui d'exploitation ne peuvent pas être accordés en même temps à une même société. 2. La compétition est ouverte à toutes les sociétés spécialisées pour une meilleure sélection avant d'octroyer le permis d'exploitation pour les minerais dont la recherche a déjà eu lieu. Troisièmement, des mesures destinées à encourager les opérateurs miniers qui conduisent à l'augmentation de la production des minerais à exporter doivent être prises. Quatrièmement, exiger la remise en état des lieux où les minerais ont été extraits. Cinquièmement, amener tout exploitant à vendre les minerais produits au comptoir. Sixièmement, retirer de la liste des exploitants ceux qui prétendent ne rien trouver pendant l'exploitation des minerais. Septièmement, élaborer une convention de recherche ou d'exploitation pour le candidat retenu et la faire analyser au Conseil des ministres avant son exécution. Dernièrement, une équipe technique placée sous l'égide du Premier ministre a été mise en place pour suivre de près toutes les activités du secteur minier. Il s'agit des ministres ayant les mines, le commerce, les infrastructures et la justice dans leurs attributions. Jérôme Niyonzima, secrétaire général du gouvernement burundais. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Le musulman devrait adopter un comportement digne de lui dans la communauté où il vit. C'est un appel de Cheikh Niyonkuru Jabir qui a dirigé la prière de ce dimanche en province Kayanza à l'occasion de la célébration de la fête de sacrifice du mouton. Il a fait savoir que dans la communauté s'observent des musulmans qui s'enivrent et ceux qui se lancent dans la débauche sexuelle. Et le représentant de la Komibwa Kayanza trouve qu'un musulman devrait être un modèle à prendre dans la communauté en ce qui est du respect des normes sociales. Le point avec Patrick Senghiouf. Les cérémonies de la célébration de la fête du mouton dite Eid al-Adha ont été débutées en province Kayanza par une prière qui a eu lieu au terrain de basketball. Cheikh Niyonkuru Jabir, qui a dirigé la prière, a indiqué que le jour de la célébration de la fête du mouton devrait être une occasion pour les musulmans de respecter les commandements de Dieu. Il n'a pas mâché les mots toutefois en dénonçant certains musulmans qui se comportent dans la communauté comme des brebis égarées. Là, il a donné l'exemple des musulmans qui traînent dans l'ivresse et la débauche sexuelle. Cheikh Niyonkuru Jabir leur a lancé un appel au changement du comportement. Même son de cloche avec Matsisi Zibel, représentant de la Komibou en province Kayanza. Celui-ci trouvait plutôt que le musulman devrait être caractérisé par un bon comportement dans la communauté, à ce que même les adeptes d'autres religions puissent le prendre pour modèle à suivre. Dans son discours, Habimana Ferdinand, secrétaire du parti au pouvoir dans la nouvelle province Boutanyere, qui a participé dans cette prière a apprécié que les musulmans participent ces jours-ci activement dans le développement du pays. Il a appelé à la consolidation de la paix dans la communauté, surtout pendant cette période préélectorale. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiyumva pour la radio Isanganiro. Et en province, Gitega, le représentant adjoint de la communauté islamique dans cette province, est revenu sur la vision du Burundi. À Burundi émergent 2040 et développé en 2060, il a précisé que l'électricité, l'eau de robinet de Bonne et Belle Route sont les priorités pour atteindre cette vision. Et quant au gouverneur de la province, Gitega, il a exhorté les musulmans à contribuer pour la réussite de cette vision, nous rapporte Gérard Nibigira. Le gouverneur de la province Gitega, Venant Manirambona, a dans son allocution invité tous les Burundais en général et tous les musulmans en particulier à s'atteler aux travaux de développement pour atteindre la vision d'un Burundi émergent en 2040 et développé en 2060. Il a ainsi regretté le fait qu'au Burundi, plusieurs personnes n'atteignent pas le nombre d'heures de travail par jour, disant qu'il y en a même qui se présentent au service et partent après quelques temps, d'où alors faut-il impérativement changer cette situation, a insisté Venant Manirambona. De son côté, le représentant de la communauté islamique de Gitega, Komibu Gitega Othmani Ndagijimana, a indiqué que l'électricité, l'eau et de belles routes précèdent toute activité de développement. Ici, ce qui est très important, c'est que les services de base, comme les routes, l'électricité, l'eau, C'est une base qui est incontournable pour que la population puisse s'attaquer au secteur secondaire afin qu'elle puisse faire des activités génératrices de revenus pour qu'en 2040, chaque famille puisse se nourrir et en 2060, pour qu'elle soit développée. Donc nous lançons l'appel aux musulmans de voir quelle serait l'image d'une famille ou d'un ménage de 2040 et l'image d'une famille ou d'un ménage de 2060. Il a en outre précisé que la Komibou Gitega a dans son actif certaines réalisation de développement. Pour ce qui est des activités de la communauté musulmane à Gitega, elle s'aligne dans la logique générale des constructions, l'éducation. Aujourd'hui, vous allez trouver dans les villes des éleveurs, ce qui n'était pas d'habitude dans les années avant. Et donc, vous allez trouver qu'aujourd'hui, dans les villes, comme ça s'est remarqué toujours, les musulmans sont dans le secteur secondaire. Il y a des mécaniciens, ils sont dans les quartiers musulmans. Il y a les restauranciers. Il y a d'autres qui font des activités génératrices de revenus qui font vivre les familles. Vous saurez que plus de 150 vaches et plus de 500 chèvres et moutons confondus sont prévus pour être abattus ce jour de fête de sacrifice de moutons chez les musulmans. Depuis Gitega, Jeanne Bigira pour la radio Isangani. Ainsi s'achève cette édition. Merci madame, monsieur de nous avoir prêté oreille attentive. Merci également à Albert Ndouaïo qui en a assuré la mise en onde. Très bonne suite de nos programmes. Mireille Kanyang. Yeah.